rêve et je me dis mais quelle époque de Nas. Moi j'suis maudit, ouais maudit comme à l'époque de Nas. Adolescent dans la demeure, alors encore je nage. À cet âge-là, j'suis végéta avec un corps de lâche. Bien ou quoi, et poteau, on coupe la part en deux. Les années passent, j'ai l'impression que le Tchekar m'en veut. J'crois plus en l'homme, y'a plus qu'à croire en Dieu. Je vois mes poteaux, malheureusement y'a trop de drames en eux. Passe mes nuits entre le bif, les kilos, la cam. Et je sais que la vie serait bien plus belle sur un Yotacan. Wesh Hakim, bien ou bien, ça dit qu'on s'associe. Vois les anciens faire des sous, je me dis faut qu'on en fasse aussi. La nuit je prie, je ne sais pas qu'après tout changera, même si à ce moment là je ne sais pas rapper. Ma mère m'a call, je ne l'ai pas rappelé. Aki Marceau, il me dit faut qu'on prépare la paix. Les larmes de sang par ici, tous les lerdis en boivent. Moi jour et nuit, j'pense, repense à ce que les clients me doivent. Je le rappelle, je lui dis t'inquiète, sois fort. Deux mois plus tard, et ben Hakim sera mort. Ce gouvernement a été fondé par les riches. Il s'assure que le peuple est occupé à faire de l'argent pour survivre, qu'il s'occupe de sa famille, de sa maison, de son jardin. Ils veulent faire croire aux gens qu'ils sont libres, qu'ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent. Si c'était s'en sortir, et ben putain, je crois que j'ai foiré le plan. Ils se donneraient tout ce que j'ai pour remonter le temps. Car de nous deux, c'est bien le meilleur, ce qu'a emporté le vent. J'ai sorti le drapeau noir, peu importe où est le plan. Mon cœur est sombre et aucune meuf ne pourra l'éclairer. Tu veux la guerre, ta putain de hache, je vais la déterrer. J'suis mal ici, qu'est-ce que je vais faire là-bas? J'appelle ma mère, évidemment, elle me rappellera pas. Et je prie Dieu pour qu'il retarde le siècle. L'agne au foyer, je regarde le ciel. Je cherche la chance, où est-elle passée? En bas de chez moi, y'a que des junkies et des bouteilles cassées. Tu peux le comprendre, même si tu le vis pas. La mort d'un frère, ça change un homme, même si tu le dis pas. Avec le temps, y'a que dans la bigrave que je suis qualifié. Les gens, je vois leurs défauts, je vois plus leur qualité. L'apparence est sans importance, les marques sont sans importance, les drogues sont sans importance. Tout a été créé pour vous rendre idiot. La presse libre, la télé, les films hollywoodiens, l'école, l'université, la religion, tout ça c'est l'opium du peuple. Un ancien mardi, fais ton rap, tout est éphémère. Écoute le rap, de maintenant y'a que des effets de merde. Tu sais qui t'aime, mais c'est tu qui te détestera. T'es un vrai, mais à dire vrai, est-ce que tu resteras? J'ai bien changé quand on m'appelle, j'dis même plus allô. Pour parler de ma haine, j'ai que ma voix grave, j'entends même plus le piano. Tu reconnais l'homme à travers la carotte d'une pute. Et il vaut rien comme la parole d'une pute. Associable, j'ai plus de pensées que de propos. Sans ma puce falche, j'ai plus de yonkli que de poteau. Tu connais l'homme lorsque tu sais ce qu'il regrette. Moi j'esquive le miroir, j'ai peur de ce qu'il reflète.